إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، chers frères, dans cette nouvelle assise, on va voir, incha'Allah ta'ala, quels sont les annulatifs du jeûne. C'est-à-dire, quelles sont les choses qui corrompent le jeûne et le rendent invalide. La première de ces choses est le coït, c'est-à-dire les rapports intimes. Et c'est le pire ainsi que le plus grave en termes de péché. Si un jeûneur a des rapports, son jeûne est alors annulé. Et si ceci a lieu durant une journée de Ramadan et que le jeûne est obligatoire pour lui, il lui incombe alors de rattraper ce jour ainsi qu'une expiation qui consiste à affranchir un esclave croyant. Et s'il n'en trouve pas, il doit alors jeûner 2 mois consécutifs, c'est-à-dire 2 mois complets sans aucune interruption, sauf pour une excuse légiférée, comme les jours des 2 fêtes, à cause d'une maladie ou d'un voyage dont l'objectif n'est pas la recherche de la rupture. Et s'il interrompt son jeûne sans aucune excuse, ne serait-ce qu'un seul jour, il sera alors obligatoire pour lui de recommencer son jeûne du début afin d'accomplir les 2 mois de façon consécutive. Et s'il n'est pas capable de jeûner 2 mois consécutifs, il devra alors nourrir 60 pauvres. Ceci est donc l'expiation de celui qui commet cette transgression immense qui est le coït durant une journée de Ramadan. Et ceci est ce qu'ont rapporté les imams al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, d'après Abi Hurayrata radiallahu ta'ala anhu qui a dit: alors que nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme vint et dit: ô messager d'Allah, j'ai péri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui alors dit: qu'as-tu? L'homme lui répondit: j'ai eu un rapport avec ma femme alors que je jeûne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: trouves-tu un esclave que tu pourrais affranchir? Il dit non. Il lui dit: peux-tu jeûner 2 mois consécutifs? Il dit non. Il lui dit alors: trouves-tu de quoi nourrir 60 pauvres? L'homme répondit encore une fois: non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta alors assis avec les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et on lui apporta un panier de dattes. Il dit alors: où est le questionneur? Le questionneur se leva et dit: je suis là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: prends cela et donne-le en aumône. Prends ces dattes et donne-les en aumône. L'homme lui dit alors: au profit de plus pauvres que moi, ô messager d'Allah, car je jure par Allah qu'il n'y a pas entre ces montagnes de famille plus pauvre que la mienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rit alors au point de laisser apparaître ses canines, puis il dit: nourrissant ta famille, nourrissant ta famille. On voit donc dans ce hadith la preuve de l'expiation que l'on vient de mentionner, et on voit également le noble comportement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cet homme qui a commis cette transgression durant une journée du mois de Ramadan. Le deuxième annulatif est de faire couler volontairement le liquide séminal, le mani, et ce que ce soit suite à des embrassades, des caresses ou autre chose semblable, comme avec sa main ou autre. En effet, ceci fait partie des désirs dont il est obligatoire pour le jeûneur de s'éloigner, comme il est venu dans le hadith divin, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet du jeûneur, selon la traduction des sens rapprochés: il délaisse sa nourriture, sa boisson et ses désirs pour moi. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Quant aux embrassades et aux caresses, qui n'entraînent pas la coulée du mani, alors ceci n'annule pas le jeûne. En effet, il est rapporté dans les 2 recueils de hadith authentiques, d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses épouses et les touchait lorsqu'il jeûnait. Cependant, il est indispensable de souligner un point important à ce sujet, comme l'a précisé Aïcha radiallahu ta'ala anha dans ce hadith, lorsqu'elle a dit: et il était le plus apte parmi vous à contrôler ses désirs. Ainsi, si le jeûneur sait que cela va éveiller ses désirs et qu'il n'est pas apte à se contrôler, il doit alors s'éloigner de cela afin de préserver son jeûne de tout ce qui pourrait le corrompre. Cependant, si le mani coule lorsque le jeûneur dort suite à un rêve ou que cela arrive sans aucun plaisir, comme cela peut arriver en cas de maladie, alors son jeûne n'est pas annulé, même si cela a lieu en pleine journée de Ramadan, car cela est indépendant de sa propre volonté. Le troisième annulatif est le fait de boire ou mangez volontairement, et ce d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Ce verset démontre qu'il n'est pas permis aux jeûneurs de manger et de boire après le lever de l'aube, et ce jusqu'à la nuit, c'est-à-dire le coucher du soleil. Ainsi, quiconque boit ou mange volontairement durant une journée de jeûne, alors son jeûne est annulé. Et les gouttes nasales, les gouttes qui sont mises dans le nez, annulent le jeûne, ainsi que tout ce qui atteint l'estomac, même si cela ne passe pas par la bouche, parmi les choses qui ont le même jugement que la nourriture et la boisson, à l'exemple des perfusions nutritives. Quant aux transfusions non nutritives, celles-ci n'annulent pas le jeûne, incha'Allah ta'ala. Le quatrième annulatif que le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné est la hijama, qui consiste à extraire le sang de la peau, mais pas des veines. Ainsi, lorsque le jeûneur subit une hijama, il a certes annulé son jeûne. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui pratique la hijama et celui sur qui elle est pratiquée ont rompu leur jeûne. Elle annule donc également le jeûne de celui qui la pratique, sauf s'il utilise des ustensiles séparés et qu'il n'a pas besoin d'aspirer le sang. Dans ce cas, il ne rompt pas son jeûne et Allah est plus savant. En effet, auparavant, lorsqu'ils faisaient la hijama, ils utilisaient pour aspirer le sang des tuyaux. Ainsi, celui qui pratiquait la hijama risquait en faisant cela d'aspirer du sang et ainsi de rompre son jeûne. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui pratique la hijama et celui sur qui elle est pratiquée ont rompu leur jeûne. » Mais s'il utilise les instruments qui sont utilisés aujourd'hui, comme les ventouses ou autres, alors dans ce cas, le jeûne de celui qui la pratique n'est pas annulé, mais seulement celui sur qui elle est pratiquée. Et parmi les choses similaires à la hijama, le fait d'extraire le sang par incision ou l'extraire dans le but de le donner. Quant à l'écoulement du sang, suite à une blessure ou à l'arrachage d'une dent ou le saignement du nez, alors cela ne nuit point au jeûneur, car cela n'est pas une hijama et n'est pas similaire à celle-ci. Le cinquième annulatif est le fait de vomir volontairement, ce qui signifie faire sortir volontairement par la bouche ce qui se trouve dans l'estomac comme nourriture et boisson. Cependant, si l'envie de vomir prend le dessus et que cela sort indépendamment de la propre volonté du jeûneur, alors ceci n'a aucune incidence sur son jeûne. Et ce, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui sur qui le vomissement a pris le dessus n'a aucun rattrapage à faire. Quant à celui qui a vomi volontairement, alors qu'il rattrape son jeûne. Ainsi, si le jeûneur fait volontairement ce qui provoque le vomissement, comme le fait d'appuyer sur son estomac, de sentir ou de regarder des choses qui pourraient le répugner et le faire vomir, alors son jeûne est annulé. Mais si cela est involontaire, alors cela ne lui nuit pas, incha'Allah ta'ala. Le sixième annulatif est la sortie du sang des menstrues et des lochis. Et ce, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas. Ainsi, dès que la femme voit le sang des menstrues ou des lochis, alors son jeûne est rompu et le rattrapage est obligatoire pour elle, même si cela n'a lieu que quelques minutes avant le coucher du soleil. Cependant, si la femme ressent certaines douleurs dues aux menstrues avant le coucher du soleil, mais que le sang n'apparaît qu'après le coucher du soleil, alors son jeûne est valide, incha'Allah ta'ala. Ceci sont donc les annulatifs du jeûne qui sont interdits aux jeûneurs durant les journées de Ramadan. Et il est important de savoir que tous ces annulatifs, en dehors du sixième, n'annulent le jeûne que si le jeûneur en a connaissance, qu'il s'en souvient et le fait de sa propre volonté. Le jeûne n'est donc annulé que sous ces trois conditions. La première est qu'il en ait connaissance. Ainsi, s'il est ignorant, son jeûne n'est pas annulé. Qu'il soit ignorant du jugement religieux, comme le fait qu'il pense que cette chose n'annule pas le jeûne, ou bien qu'il soit ignorant du temps, comme le fait qu'il pense que l'aube ne s'est pas levée et qu'il mange alors qu'elle s'est levée, ou bien qu'ils pensent que le soleil s'est couché et qu'ils mangent alors que le soleil ne s'est pas couché. Dans ce cas, son jeûne n'est pas annulé, inshallah ta'ala. En effet, lorsqu'est descendue la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Addi ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu a alors pris deux fils, un blanc et un noir, qu'il a placés sous son oreiller. Et il les regardait et il n'a commencé son jeûne que lorsqu'il a distingué entre le blanc et le noir, que lorsqu'il a distingué entre le fil blanc et le fil noir. Il a ensuite informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela, qui lui a dit que ce qui est visé dans le verset n'est pas cela, mais c'est plutôt la lueur du jour et l'obscurité de la nuit. Il n'a donc commencé son jeûne qu'après la levée de l'aube, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné de rattraper ce jour, et ce, car il était ignorant. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Et Al-Bukhari rahimahullah a rapporté d'après Asma, la fille d'Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'ils ont, un jour nuageux, rompu leur jeûne en pensant que le soleil s'était couché. Et ils ont ensuite vu le soleil. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne leur a pas ordonné de rattraper ce jour. Et ce pourquoi? Car ils étaient ignorants. Ils étaient ignorants du temps, ils pensaient que le soleil était couché alors que ce n'était pas le cas. Dans cette situation, il est obligatoire, une fois que la personne s'aperçoit que le soleil n'est pas encore couché, de reprendre immédiatement son jeûne, et de s'arrêter de manger ou de boire. Et s'il continue de manger ou de boire après cela, alors son jeûne est annulé, car il a maintenant connaissance du temps. La deuxième condition pour que l'annulatif du jeûne le rende invalide est que la personne s'en souvienne, c'est-à-dire qu'il ne le fasse pas par oubli. Ainsi, s'il commet un des annulatifs par oubli, son jeûne est valide et il n'a pas à le rattraper. Et ce, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana » Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Et l'imam Muslim rahimahullah rapporte dans un hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon la traduction des sens rapprochés, « Je l'ai certes fait », c'est-à-dire qu'il a exaucé cette invocation mentionnée dans le verset. Et il est rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque mange ou boit par oubli, alors qu'il jeûne, qu'il continue de jeûner, c'est seulement Allah qui l'a nourri et abreuvé. » Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait ordonné dans ce hadith de continuer de jeûner prouve la validité de ce jeûne. Et il est obligatoire pour lui, pour celui qui a bu ou mangé par oubli, de s'abstenir dès qu'il se souvient. Dès qu'il se souvient qu'il jeûne, il doit alors immédiatement s'abstenir. Ou dès qu'on lui rappelle qu'il jeûne, il doit alors immédiatement s'abstenir et rejeter ce qu'il a dans la bouche s'il lui reste quelque chose et il n'est plus excusé à ce moment car il se souvient. À partir du moment où il se souvient, on que lui rappelle qu'il jeûne, il n'est plus excusé, il doit immédiatement s'arrêter et rejeter ce qu'il a dans la bouche. Et si tu vois quelqu'un en train de boire ou de manger alors qu'il jeûne, il est alors obligatoire pour toi de lui rappeler et de l'avertir, et ce d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, et entraidez-vous dans le bien et la piété. Tu ne dois pas te dire, il a certainement oublié, et c'est seulement Allah qui le nourrit et qui l'abreuve, mais il est obligatoire pour toi de l'avertir et de lui rappeler qu'il est en train de jeûner afin qu'il cesse et qu'il s'abstienne. La troisième condition est qu'il le fasse de sa propre volonté. C'est-à-dire que s'il le fait sous la contrainte ou involontairement, alors son jeûne est valide, inshallah ta'ala. Par exemple, si un homme a contraint son épouse au rapport durant une journée de jeûne obligatoire et qu'elle s'est refusée à lui de tout son possible, alors son jeûne à elle est valide, inshallah ta'ala, et le péché est seulement sur son époux, car ceci est strictement interdit. De la même manière, si une personne avale involontairement une goutte d'eau lors du rinçage de la bouche ou du nez lors des ablutions, alors ceci ne lui nuit pas et son jeûne est valide à condition que ceci soit involontaire. Ceci sont donc les trois conditions pour que le jeûne soit annulé. Enfin, pour terminer cette assise, il est important de connaître certaines choses qui n'annulent pas le jeûne et qui sont permises pour le jeûneur, contrairement à ce que pourraient penser nombre de personnes. Il est permis pour le jeûneur de se soigner avec des gouttes pour les yeux ou les oreilles, et ceci n'annule pas le jeûne, même s'il en ressent le goût, car ceci n'est ni de la nourriture, ni de la boisson, et n'y ressemble pas. De la même manière, il est permis de nettoyer une blessure avec des produits désinfectants ou autre chose semblable, car ceci n'annule pas le jeûne. Il est aussi permis aux jeûneurs, notamment pour celui ou celle qui cuisine, de goûter la nourriture à condition de ne pas l'avaler. C'est-à-dire qu'il goûte simplement sur le bout de sa langue et de son palais et il rejette ce qu'il a dans la bouche sans l'avaler. Et il est aussi permis pour le jeûneur de sentir le parfum et même l'encens à condition de ne pas inspirer sa fumée. Il est aussi permis au jeûneur d'utiliser le siwak et ce à tout moment de la journée. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si je ne craignais pas d'imposer une difficulté à ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak à chaque prière. » Et ce hadith englobe aussi bien le jeûneur que le non-jeûneur, et ce en tout temps. Et Amir ibn Rabi'a, radiyallahu ta'ala anhu, a dit « J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam utiliser le siwak alors qu'il jeûnait d'une façon que je ne peux dénombrer. Cependant, il ne convient pas pour le jeûneur d'utiliser le dentifrice, et ce car il est très fort, et il se peut qu'il atteigne l'estomac avec la salive. De plus, le siwak est suffisant et il permet de se passer de cela. Enfin, il est permis pour le jeûneur de se rafraîchir avec de l'eau pour mieux supporter la chaleur et la soif. En effet, les imams Malik et Abu Daoud, qu'Allah leur fasse miséricorde, rapportent qu'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu verser de l'eau sur sa tête à cause de la soif ou de la chaleur alors qu'il jeûnait. Et Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, mouillait un vêtement qu'il mettait sur lui alors qu'il jeûnait. Et Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, avait une sorte de bassin dans lequel il descendait lorsqu'il faisait chaud, alors qu'il jeûnait. Et Al-Hassan, rahimahullahu ta'ala, a dit « Il n'y a pas de mal à ce que le jeûneur se rince la bouche pour se rafraîchir. Bien sûr, ceci à condition de ne rien avaler de l'eau, comme on l'a vu précédemment. » Tout ceci sont donc des choses qui sont permises pour le jeûneur durant son jeûne, et ceci nous montre l'importance pour nous de sans cesse nous instruire en religion afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une science utile ainsi qu'une œuvre acceptée de lui, et il est certes capable de toutes choses. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khayra.